Le 25 juillet, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu aux questions posées par l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos des propos provocateurs lancés par le directeur de la CIA sur l'élimination de notre direction. En voici le résumé. Le 20 courant, lors d'un forum sur la sécurité organisé par une formation civile, le directeur de la CIA, Pompeo, a dit que le plus dangereux dans le problème nucléaire de la Corée du Nord est le tempérament de la personnalité qui détient l'autorité de contrôle des armes nucléaires et que les services de renseignement et le département de la défense nationale américain sont en train d'étudier le moyen pour séparer l'arme nucléaire et la personnalité qui a l'intention de l'utiliser. Ainsi, il a prétendu de façon impertinente l'élimination de notre direction. Ces propos ne sont qu'une fadaise de celui écumé de rage devant le renforcement continu de notre capacité de frappe nucléaire, mais ils dépassent la limite. Il est bien clair que l'objectif final de la politique d'austérité de l'administration Trump contre la Corée réside au remplacement de notre pouvoir. Le soi-disant responsable des renseignements extérieurs des États-Unis fait illusion de séparer notre armée et notre peuple de leur direction suprême, mais ce n'est qu'une révélation de son ignorance à notre égard et qu'une occasion importante de montrer nettement le niveau du milieu de renseignement américain. Si les administrations américaines successives ont échoué jusqu'à présent dans la confrontation coréo-américaine, c'est à cause de ce milieu de renseignement trop ignorant. Les militaires et civils coréens n'ont point pensé à leur sort ni à leur avenir à l'écart de leur direction suprême. La première mission de nos forces armées révolutionnaires ayant pour noyau les forces nucléaires est la défense à outrance du leader. La République populaire démocratique de Corée a stipulé par la loi qu'au cas où la dignité suprême nationale est menacée, tous les moyens de frappe, y compris le nucléaire, seront mobilisés pour anéantir de façon préemptive les pays et sujets qui y participeront directement ou indirectement. Tous ceux qui cherchent à porter atteinte à notre direction suprême seront anéantis n'importe où. Voilà la volonté inébranlable des militaires et civils coréens. À travers les propos du directeur de la CIA, nous éprouvons une fois de plus la justesse de notre accomplissement de la grande cause historique pour le perfectionnement des forces nucléaires, en dépit de toutes difficultés et épreuves. À la moindre tentative américaine pour porter préjudice à notre direction suprême, nous frapperons sans merci le cœur du territoire américain avec la puissante masse nucléaire bien consolidée. Les personnes comme Pompeo feront une expérience douloureuse des conséquences catastrophiques et lamentables de leur conduite envers notre direction suprême, soleil éternel et totalité de la vie de notre nation.